La Nocturne. Et c'est parti pour La Nocturne en direct dans l'émission 100% rap français. Quelqu'un qui est un passionné du rap français. Quelqu'un qui est là depuis combien? 8 albums? 10 Fred, 10. 10 albums. C'est mon 10e. Oh, attends, j'en ai oublié deux. 10e et 25 ans l'année prochaine. Ça va? Monsieur Leslie Dja. C'est ça, frère. Vient représenter le nord de la France, mais pas que. Représenter un peu. Oh, j'ai un petit souci. Oui, parce que quelqu'un a touché. Je n'ai dit de pas toucher ici. Qui a touché ici? Ah, c'est Dafire, je crois. Il faut pas te toucher. Hein? Donc touchez, vas-y, ouais. Leslie, bienvenue en tout cas. Merci Fred. Dans cette nocturne 100% merci. Rap français. Ton album sort lundi. C'est exceptionnel ça. Parce que d'habitude, c'est le vendredi et toi, t'as réussi à sortir lundi. Grave, je les ai carottés. Tu vois, ils arrivent tous le vendredi. Je leur ai dit, je veux sortir un dimanche. Ils m'ont fait, t'es pas sérieux, dimanche, il n'y a personne qui écoute de musique. Mais par exemple, je sais pas, par exemple, je suis en train d'écouter la nocturne, tranquille, je suis dans mon lit, dans ma bagnole, en bas de chez moi. Ouais. Et je me dis, putain, Leslie Dja, c'est pas mal. Est-ce que je peux précommander dès maintenant? Direct, tu peux aller sur iTunes et direct, il est en précommande depuis un mois et demi. Voilà, tu t'appelles Leslie Dja, il s'appelle Hate Love l'album. Alors pourquoi Hate Love? Écoute, parce que c'est quand même deux antagonismes. Ouais, ouais, exactement. Bah, je l'ai pris comme un livre, l'album, en fait, tu vois. J'ai commencé par le côté rebelle un peu. Quand t'as 14-15 ans, t'es un peu anarchiste, t'aimes pas tes parents, t'aimes rien, tu t'en veux à tout le monde. Et petit à petit, t'évolues. Tu fais des gosses, tu fais des trucs, il se passe des choses, t'aimes les gens, et puis à la fin, t'arrives. Et puis voilà, finalement, quand tu t'aperçois que quand tu fais du mal, ça te retombe sur la gueule, donc donne de l'amour à tout le monde, quoi, tu vois. Donc, ça commence par, voilà, ça commence violent et ça finit par plein d'amour. Voilà. En tout cas, je suis content vraiment de te recevoir parce que t'es quelqu'un que j'apprécie, voilà, pour plein de raisons, machin. Et en dehors de ça, je sais que tu es un véritable passionné du hip-hop depuis des années. Tu es là, tu es un activiste du hip-hop, hein, c'est ce qu'on peut dire. Ouais, ouais. En tout cas, je crois, j'espère. En tout cas, ouais, ça fait pas mal d'années, ouais, que je suis là maintenant. Ouais, 25 ans l'année prochaine. 25 ans. 25 ans que je rappe l'année prochaine, ouais. Donc ce soir, tu es venu avec plein de monde. Ouais, je suis venu avec plein de potes et aussi des gens qui ont des groupes chez moi, qui font du très bon boulot. J'ai aussi envie de présenter, pas envie de présenter que mon projet, c'est déjà une chance d'être là, je suis super content. Et je veux que, tu sais, qui kiffent, mes petits frères kiffent. Mm-hmm. Comme je kiffe quand tu m'envoies un son le vendredi et que je suis derrière mon truc en train de boire un verre, être tranquille, je veux qu'ils ressentent la même sensation. Bah, j'espère. Envoyez en tout cas des messages, dites-nous 41759, le hashtag La Nocturne, hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. Le garçon au contrôle s'appelle Leslie Dja. C'est ça. Allez vous procurer. Hate Love, c'est un double album en fait. Ouais, hein, 33 titres. Ouais. Et qu'est-ce que t'as raconté pendant 33 titres? Pas mal de conneries quand même. Après 10 albums, comment tu peux faire un double album? Ouais, je sais pas, ça vient. J'ai trop d'envie, j'ai encore trop d'envie. Et voilà, j'ai 16 ans dans ma tête, mon frère. Est-ce qu'on peut commencer? Voilà, on va mettre une session de 3 morceaux. C'est ça. Pour se plonger. C'est quoi? C'est des titres de l'album ou écoute, là, on va commencer par Vegas, le titre que tu tournes, oui, forcément. Avec Busta Flex. Avec une jeune fille qui est à tes côtés aussi. Qui s'appelle Emma. Emma. Ouais, elle est là avec nous. Tu prends le micro, Emma, vas-y, tranquille. Et prends un casque aussi, dis-lui, prends un casque, voilà, s'installe. Tranquille. Voilà, Emma. Emma qui rappe aussi, on se connaît depuis 1995, tu vois ce que je veux dire, elle rappait déjà aussi. Mais elle est toute jeune. Et ouais, on dirait pas. Hein. Elle a 15 piges, Emma. Ça va, Emma? Ça va. Bah écoute, bienvenue en tout cas dans cette nocturne. Tu nous présenteras évidemment les gens qui sont autour de toi. Yes, il y a du beau monde. Donc il y a 3 morceaux pour rentrer, quoi. C'est que des titres du nouvel album ou non, c'est... Non, en fait, il y a un titre, c'est Vegas, comme je t'ai dit, le titre qu'on joue. Après, on passe un morceau d'Olcari, La Purge, j'adore. Et puis après, un titre de moi. Ah oui, tu vas faire un mélange entre tes. Ouais, on va mélanger, tranquille. Et puis après, c'est un son avec Jimmy Sissoko de mon album. Voilà, nouveauté. Est-ce qu'on peut donner le coup d'envoi? Est-ce que tu peux saluer ton DJ qui est là? Il s'appelle DJ Advent. Il est là. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Il est là. C'est lui qui va prendre le contrôle. Coup d'envoi de la nocturne, tu ambiances, tu fais ce que tu veux. Merci, frère. Leslie Dja, c'est ce gars-là. C'est un mec vraiment tellement humain, tellement que je kiffe. Je te kiffe aussi. À la limite, on va se demander, on va se poser des questions à la fin de la nocturne. Vas-y, ouais, c'est un peu chelou. On va dire, genre, limite, il y a des trucs chelous. Mais vraiment, sincèrement, tu sais très bien ce que je pense de toi. Ouais. En tout cas, voilà, ça fait plaisir d'être là avec toi pour la nocturne. Minuit 9, on est en direct, c'est le 23 avril. Coup d'envoi? C'est parti, Advance. Vous écoutez Leslie Dja et vous êtes sur Skyrock. Je vous conseille d'augmenter le volume. Nous partons à Vegas. Bande d'enfoirés. Enfoirés.

genre la carabine, les balles m'ont été offertes. Crève comme David Carradine, peu d'amis, j'ai que deux frères. J'ai mes gammes et mon gamin, les gars, vous avez beau faire. Pute, nec, cellophane, sans pitié, j'opère. J'aime pas mentir aux frères, grosse chaîne, style gros fer. J'aime pas mentir aux gosses, gun holster, rime grossière. Bien armé dans mon Vaucer, déter en concert. Du gris derrière le micro, grosse lève, le négro trop fier. Toujours au charbon, actionne le compte à rebours. Ici au pays de Sardou, implorer mon pardon. Torse nu péqué, un gun et une épée. J'mets la CP sur ma pépé. Sortez l'échiquier, il s'agit de violence gratuite. J't'emballe dans du plastique. Jamie Saint-Patrick, canal 3 Fatis. J'arrive en balle dans la hure et dans ma dure voix. Juste pour la night, négro, c'est l'heure de la purge. Carabine dans mon coffre. Laissez déjà les contrôles de la nocturne. J'ai mis ma pine dans le poste. Oh le carré. Vous êtes bande de pute, nég. Vous êtes bande de bitch. Vous êtes bande de pute, nég. Vous êtes bande de bitch. Voici mon passager noir. Noir, voici mon passager noir. Noir, voici mon passager noir. Grande sainte dans la place. Passager noir. Noir. Fuck un lyrics tout de Zulu, ça va Niaga, ça va Mougou. Un bouc de la team Zang Beta, des sorciers voodoo dans un moonwalk. Je déboule et que je goûte, on met des boules arrière. Donc vas-y zoom, on est des fous, nous je ne fais que sticker. Tu ne paies que le ticket, et j'enfile toute ta famille et le petit chien Mickey. Faut que je parle mal, mon passager noir brille dans ce carnage. J'éteins mes phares, j'écrase au hasard, voiture noire mat. Au fond je nourris mes démons, tire. C'est la purge, je raconte tous mes crimes avec mes mots. Venez on le fait ça, purement musicalement, venez on le fait ça. Les boucs moines, les mythos, venez on les agresse là. Purifions le game de tous ces dégoûtants insectes. Soit tu rappes bien et dans les temps, sinon on te blesse hein. Puis je reprends mes esprits et je pose le mic. La purge est terminée, il est 7h du mat. Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré, vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. On est 50 vivants dans la place, ne vous inquiétez pas. Mon passager noir, noir, voici mon passager noir, noir, chambé. Big up à Paul Carré qui a fait un super, super projet. On va tous le chercher. Maintenant, on va passer le son qui s'appelle. Je sais même plus mon son, c'est un truc de ouf. Non. Je sais même plus. Ça va être Jimmy Sissoko. Il est que minuit 18, mec. T'inquiète, on partira seul. Avec ma main Jimmy, que je big up à fond. C'est mon frérot, écoutez ça. Exclu. Chez toi, Fred. Les Sidja. J'ai marié, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied. 1, 2, 3, prêt, partez. Mais pour aller où? Personne ne m'arrose tous les jours comme à Jardilande. Je suis tombé dans des trous, la vie c'est marionnante. Je rêve de l'île Maurice. Pour l'instant, je sors du paquet de Philippe Maurice. Tout finit en poussière, la vie est buissonnière. Le Père Noël dit qu'on n'existe pas. J'ai des idéaux et puis des idées basses. Mieux vaut qu'on s'aime plus bas. Jusqu'ici tout va mal, l'important c'est la chute, c'est pas l'atterrissage. On se déguise pour des euros. Je suis défendu de mordre dans les fruits. Pourtant j'ai un sacré cœur comme Paris. C'est aussi à toi que je pense quand j'écris. On joue à pierre, feuille, ciseaux pour sortir du puits. On se dira percer, n'est pas remplir Bercy. Quand on sera entouré de blouses blanches, entouré de quatre blancs. Les pieds devant la mort appelle, viens nous chercher. Il faudra tout laisser, ne rien inventer. Déposer les armes des comparses. Laisser ce qu'on aime, enfants et femmes. Laissez ici Babel, des guéchaînes, des mises en scène. Oubliez tout ce qui a fait de vous des gangsters. On va mourir devant plus belle la vie. Que laissera-t-on à Lisa, Bart et Maggie? Souris à l'envers du mardi au lundi. J'ai pas la dalle comme Pac-Man. On partira en fumée comme un pilon. À quoi bon soulever des trophées sous pression? La météo s'inquiète pour nous. On vit comme si de rien n'était. La crise n'est pas que monétaire. On se laisse faire les poches plantées comme un lampadaire. La routine tue tel un abattoir. On sera loin des factures à payer. Important d'être vivant. Ne refais pas le monde effondré sur un canapé. L'héritage est sans testament. Derrière ne doit pas être le bon temps. Le destin est en verlan. On frappe à long feu comme un whooper. Soyons spécialisés dans la greffe du cœur. Faut-il vivre avec un pacemaker? Et devant la mort appelle, viens nous chercher. Il faudra tout laisser, ne rien inventer. Déposer les armes, les comparses. Et c'est ce qu'on aime, enfants et femmes. Et c'est ici, Babel, des chaînes, les mises en scène. Oubliez tout ce qui a fait de vous des gangsters. Et c'est ici, Babel, des chaînes, les mises en scène. Oubliez tout ce qui a fait de vous des gangsters. A real tune did get to all the man them. Leslie Charge, Missy Soko. Yeah. C'est la nocturne. Merci, les frères. C'est la nocturne 100% rap français. Leslie Jah, l'album donc sort lundi. Lundi, Hate Love. Ce qui est exceptionnel puisque maintenant c'est le vendredi, il est sorti. Exactement. Il s'appelle Hate Love, mais par exemple, je sais pas si on a entendu un son ce soir, est-ce qu'on peut précommander tout de suite? Direct, tu vas sur iTunes, tu tapes Leslie Jah, L-E-S-L-Y, plus loin J-A, et l'album c'est Hate Love, tout attaché. Leslie Jah, voilà, super artiste, en tout cas ça fait plaisir. Et en dehors de ça, vraiment, je le disais il y a une vingtaine de minutes, en débutant la nocturne, t'es un vrai passionné, Leslie. Ouais. T'es un mec qui a commencé le rap. C'était quoi les premières claques de rap que t'as pris, toi? NWA, j'ai mon t-shirt là, forcément, tu vois. Et t'as vu le film, forcément, ouais, aussi. Carrément, que j'ai adoré à fond. Public Enemy, déjà le rap américain, et puis après. Donc c'est d'abord rap américain. Ouais. Bah il y en avait pas. Et j'ai entendu le premier, c'était EJM, et voilà, je suis tombé voilà à fond dans EJM, et puis après j'ai suivi tout le rap attitude, tout le chemin classique, le NLD, toutes ces choses là, quoi. Donc par exemple, je sais pas, moi je suis un gamin, j'ai 15 piges, je suis en train d'écouter la nocturne, voilà, comme toi à l'époque. Est-ce qu'à un moment tu penses voilà faire carrière dans le rap, réussir, ou c'est juste de la passion pure? Ça part d'une plaisanterie, ça part d'un délire. Il y a un gars qui m'a dit un jour, je devais être DJ, tu vois, parce que les blancs à l'époque ils étaient tous DJ, tu vois. Ah oui, parce qu'il faut préciser, Leslie Jah est blanc. Ouais. Merde. On m'a dit que j'avais les mêmes cheveux que Romano. Merde. Là je viens de voir, ouais, j'ai à peu près les mêmes cheveux, c'est ça, ouais. Sauf que j'en ai plus. Ah merde, putain. Et ouais, voilà. Et donc je devais être DJ, et mon pote, j'ai essayé un rap, mon pote qui rappait à l'époque, il m'a fait putain, Josh Big Up, il s'appelle Gilles, il m'a fait putain, heureusement que tu rappes pas, toi. Et tellement foutu la rage que j'ai commencé à rapper. Ah c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup voilà, c'est parti d'un délire. Et, du coup, en français, qu'est-ce qui t'a mis une claque à l'époque en rap français? En rap français, il y a énormément de choses. Nous, il y a mon groupe qui est la production encore type ce soir. Nous, on était fans de tout ce qui était toujours un peu mélodie G-Funk, toutes ces choses-là. Donc, Express D, forcément. Donc, c'était West Coast, américain. Ouais. Nous, c'est la mélodie, le chant, tout ça. On a commencé à chanter là où personne chantait, tu vois. On a toujours commencé à mélanger le rap et le chant. On a toujours été dans ces vibes-là. J'en parlais avec Taïeb, là, qui est avec moi l'autre soir. Quand on écoutait un album de Wu-Tang, par exemple, on cherchait toutes les calmes, tu vois. Les énervés, moi, j'aimais bien, mais on préférait le côté calme, tu vois, le côté. Smooth, t'écoutes ça tranquille dans ta voiture, toi, Doc Génico, toutes ces choses-là, voilà, ça fait partie de, tu vois, de notre référence absolue. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc on est le 23 avril, il est minuit 24, est-ce que tu vides ton rap? Écoute, j'ai la chance, grâce au rap, d'avoir touché un métier qui est dans la musique et tout. Et aujourd'hui, voilà, c'est un complément et c'est une passion avant tout. Et voilà, ça reste toujours le même délire, la même plaisanterie. J'ai, voilà, point. Aujourd'hui, il y a pas de grosses ventes, il y a pas de gros trucs comme ça, mais je le fais avec. Mais c'est important parce que évidemment, on voit toujours les têtes d'affiche et tout. Mais il y a des gens qui aiment ça, qui aiment le rap par passion. Tu en fais partie. Donc voilà, c'est. Mais en gros, après, voilà, nous on est parti après. Je fais des ateliers d'écriture, je gère un studio, donc grâce au rap, tout ça, ça m'a apporté toute ma vie d'après, en fait, finalement, tu vois. Et je suis très bien comme ça, je suis très bien planqué là-haut, tranquille, dans mon petit coin. Et voilà, je kiffe avec mes frères, on s'échange les trucs. J'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent maintenant un peu partout en France. C'est un petit public qui grandit chaque jour et ça me suffit, franchement. Et ça me suffit. Et on salue d'ailleurs Grande Sainte, puisque c'est vrai qu'on connaît Grande Sainte. Grande Sainte qu'on peut montrer du doigt parfois, parce que c'est vrai qu'il y a les migrants, ce qu'on appelle les migrants, en tout cas voilà les gens. Et je big up d'ailleurs le maire de la ville qui a fait un super truc, et c'est quelqu'un d'humain, quelqu'un de génial. Il faut aussi arrêter les clichés. Il y a forcément des gens, il faut aussi oublier et ne pas oublier, non, pour le coup, ne pas oublier le passé. Il y a des gens qui arrivent à Grande Sainte qui ne savaient même pas ce que c'était Grande Sainte avant, parce qu'ils rêvent d'un avenir meilleur. Ils débarquent dans cet endroit, ils disent qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà. Et il y a aussi des gens de la population qui les accueillent avec grand plaisir. Il y a des gens qui font un super taf, parce qu'on monte souvent, genre, oui, la population est contre, machin et tout. Non, il y a des gens vraiment à Grande Sainte. Je pense que tu peux témoigner là-dessus, les Sidja. C'est ça. Et c'est vraiment, il y a plein d'assauts, plein de gens de notre ville et tout qui aident. Il y a plein de choses. Ça se passe super bien. Ça se marie bien. Il n'y a rien. Voilà. Ils n'ont pas choisi. Ils sont là. Et big up et force à eux, quoi. Vraiment. Les Sidja, ça sort lundi. Hate Love, allez cliquer, allez chercher son album. Franchement, voilà, c'est un mec super, c'est un passionné, c'est un mec. Yes. Voilà, vous l'entendez. Il y aura du live tout à l'heure. On continue ou ouais, on s'arrête là? On continue sur un son qui s'appelle Kim Karda. Ah. Alors je t'explique. Les gens vont me dire pourquoi. C'est quoi ce refrain? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien le premier couplet, vous allez comprendre pourquoi ce refrain. C'est ma main Dafire qui est là, qui a fait la prod, qui a fait une grosse prod. Yes, big up frère, merci. Qui est un gros, qui est deuxième plus gros producteur sur l'album. Il a fait 6-7 sons. Ouais, 7 morceaux. 7 ouais. morceaux, frère. Yes. 7 et 7 tueries, quoi. Un kiff, voilà, c'est un gars il est JS. Donc pareil, c'est la passion avant tout. Il est pas JS, mais ouais, voilà, c'est la passion. C'est la famille, c'est comme si. Voilà, il a l'impression, il connaît tout le monde ici tellement il échange plus avec les gens de JS que les gens de Colmar, tu vois. Ouais, big up à tous les gens, 6-7, 6-8, on vient de loin. Voilà, big up, la prod. Ben, ça fait plaisir de vous avoir, vraiment, ça fait plaisir de vous avoir ce soir. On est contents, putain, nous on est contents. Salut une fois de plus, Leslie, pardon. T'inquiète, c'est toi qui es pas bien là. Non, mais vous m'avez atteint déjà. En minuit 27, attends, il faut que je tienne jusqu'à 2h du matin. Je t'ai ramené de la cristalline. Fabuleux. Hein, tu veux pas prendre avant moi là? Vas-y, on va reprendre. Allez, m'amène. Allez, Advance, c'est parti, ça s'appelle Kim Karda. Écoutez bien pourquoi le refrain. Et moi, je vais me rafraîchir pendant ce temps-là. Vas-y, mets-toi bien, mon frère. Nocturne avec Leslie dans la Nocturne. 100% rap français. Kim Karda, Kim Karda, Kim Karda, Kim Karda. Kim Karda chante à la fashion. Y a un peu moins d'amour dans nos quartiers de misère. Un peu plus de fou sur la planète Terre. Les plus grands de l'histoire se sont suicidés. Les ados veulent rejoindre la Syrie. De Barcelone à Barcelonnette, la vie s'arrête net. Aussi vivant que Ben Laden ou Elvis en fait. Y'a rien au pôle Nord ni au pôle emploi. Conflit et stress comme pourboire. La saison d'inamour a commencé. Consolé par la console et la contrefaçon. C'est sans fin et sans fond. Ce qui nous reste à faire est colossal. Entre souffle d'espoir et grisaille. On est devant la vitre de nouvelles frontières. Un ou deux rêves dans le sac à dos des chiens et puis des bières. On terminera la vie sans la commencer. Pendant ce temps-là, Kim Karda chante à la fashion. Y'a pas de welcome world, On vole plus, on a perdu des rênes. La crise des requins ici ou à la Réunion, c'est la même. Y'a plus d'amour pour faire face à l'ennui de la vie. On se déconfiance, on se caméléonise. L'alcool et la mer nous engloutissent. Qui peut détruire le Mont Blanc avec une masse? Alors on fait des grèves et du militantisme. On mate en arrière, la vie est un rébus. On est souvent rebout sans la Ciroc avec un faux Red Bull. Certains ne passeront pas l'hiver comme un flocon. Sur le côté fut tiré la flèche de Cupidon. En fait, on peut que s'inviter chez Quick. Faut bien qu'on se radicalise ou qu'on s'hyper inactif. Nos rêves sont bloqués à Roissy et puis d'autres attendent l'asile. Kim Kardashian, à la fashion week, et ses filles de Kanye et leurs filles aussi. Des voyages et des sorties en équipe, en première page de mag, des couleurs de cheveux qui changent. Yeah, yeah, yeah, yeah. Français. Ma mère, Soulcast. On continue avec mon frérot Soulcast. D'Hypnotique, ex. Ça, c'est la famille, grave. Il vient de Lille. Gros, gros MC. Big up à toi, frère. L'Orient et l'Occident, je viens de là et par accident. Mes parents fuient le bête sa misère. Né en France, terre de rêve, brutal réveil. Mon père a 4 du mat dans ses usines de merde. Si tu es la santé, ainsi que tous ses rêves. Les larmes coulent sur les joues de ma mère. Le cœur triste, éloigné de ses terres. Comme il me manque, ce peuple plein de fougue. Droit, fier, prêt à tuer pour un match de foot. Chez nous, la passion transcende les foules. Est-ce que t'en penses, on en a rien à foutre. On est connu pour avoir un grand cœur. Mais trahis-nous et tu goûteras au goût de notre rancœur. Ne résume pas au kebab à Tarkan. Je représente la grandeur ottomane. Je viens de là. De mon pays n'est pas une serpillière. La révolution d'Atatürk me rend fier. Arrêtez vos clichés dans la presse. Oubliez un peu Midnight Express. La Turquie est laïque, démocratique, pourquoi la haïr? Cessez de gâcher votre salive. De nous salir dans des lois ou des manifs. Pas là pour polémiquer sur vos débats. Car les dés sont pipés depuis le départ. Ils veulent dévoiler nos sœurs, mais pas la vérité. Continue de mentir, on n'a pas fini de t'irriter et de militer. Pour mon drapeau couleur rouge sang, l'islam symbolisé dans l'étoile et le croissant. Ce texte en hommage, je lui devais. Nemut lout, surkum diene. Moi je viens de là. Chez nous on est prêt à mourir pour sa famille. Chez nous le déshonneur est une infamie. Tellement fier de nos racines. Patriotique mais sans racisme. Humble, travailleur et discret. Mais nous trahir peut être risqué. Notre accueil n'a pas d'égal dans ce monde. Tout comme nos paysages, viens que je te montre. Istanbul, Ankara, Izmir, Adana. Samsun, Trabzon, Erzurum, Konya. Culture, une histoire riche et vaste. C'est pour mes cultures aussi, mes Kurdes et mes Lazes. Moi je viens de là et je le revendique. En hommage à ma famille. Moi je viens de là et je le revendique. Moi je viens de la Turquie. Ma man, Soulcast, big up à toi frérot. 100%. Nouveau son de Hate Love avec Déborah, sens unique, ex sens unique. Alors big up à toi, je sais que tu nous écoutes en Suisse. Big up, ça c'est un gros kiff. Les Sidja, c'est ça, au contrôle de la nocturne. C'est parti. Sur un trapèze sans éclairage, mon visage n'est plus en pleurs. Je ne suis plus un déséquilibriste. Hiroshima face à ma vie d'avant fut comme un claque-doigt. Je ne passe plus de temps à attendre quelque chose qui ne viendra pas. Y'a plein de couleurs différentes en moi, dans un monde où tout est noir et blanc. J'hallucinogène, Armstrong a menti sur la lune et sur un vélo. Les hommes sont tous égaux dans la triche. Tu bluffras pas, crédit illimité. Je resterai pas dans un lit à barreaux debout. Faites que le ciel fasse des feux pour nous. J'ai baissé les bras, on m'a brisé le cœur. J'ai compris depuis que tout était écrit. Tellement près d'aujourd'hui, je l'aurai. J'apprends de mes erreurs, je la veux, ça te mis en rose. J'ai pas d'amulette à mon cou, je m'en fous de ce qu'on peut penser. Je suis carré comme un pentagone. J'arrête de donner de l'importance aux opinions des autres. Je me suis pas trouvé grâce au GPS. L'amour est gravé dans mon disque dur. Je voulais du résultat, j'ai arrêté de râler. Des autres, je me suis détaché. Je n'en veux plus à ceux qui m'aiment. Je suis responsable de mon progrès comme Avicenne. Je m'appelle pas Guillaume Tell. La pomme est sur le sol, l'arbalète a visé la tête. Rêvons qu'au bord des frontières, plus jamais de vie s'arrête. J'ai baissé les bras. Big up à Déborah. Ça va Fred? Bah. Pourquoi tu me demandes à moi? Je prends ton rôle. Tout va bien? Ça va, super. Grave. C'est la nocturne Leslie Ja au contrôle. Hate Love. C'est lundi ça. Alors? Lundi et en précommande déjà. Mais sur uniquement iTunes. En digital, hein? Ouais, uniquement digital. On pourra le retrouver en streaming aussi partout. Deezer, ouais. Napster, Spotify, tout ça. On pourra l'écouter là. 33 morceaux? 33. Mais ouais. T'es un fou, toi. Ouais, j'étais un peu loin là. Je voulais en faire 13 à base et j'ai pas réussi à m'arrêter en fait. Est-ce que tu as vu les messages qui arrivent? Ouais, c'est cool, c'est super, merci à vous. Putain, plein de love. Force à Lesija, diffusez Lesija chaque heure, chaque jour, on nous demande. Putain, c'est ouf. Yes, wow. Ça cartonne les amis. Merci. Lesija, il s'appelle Lesija. Franchement, ça fait plaisir de l'avoir dans la nocturne 100% rap français. Ouais, c'est cool. Tout à l'heure, live ou pas? Ouais, bah, on va essayer. Je veux vraiment passer des gens de chez moi, donc on va voir si on, au niveau timing on y est. Tu vois, mais normalement, ça va, minuit 40, on est large. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on dit ouais. Qu'est-ce qu'on a écouté là à l'instant? Vas-y. Alors, on a écouté un morceau avec Déborah, tu rappelles Sens Unique, le groupe. Oui, voilà. Bien sûr, Sens Unique, un groupe de Suisse. Voilà, c'est ça. Et donc, on la cherche depuis peut-être peut-être 1992, Déborah, tu vois. Et j'ai réussi à, grâce à Yvan et qui je bosse, Yvan Peacemaker. Yvan, juste voilà. Un truc. Yvan Double Pacte. Hein. C'est ça, tout à fait. Allez écouter le remix de Kerry James, le morceau. Voilà, Ghetto Français. Ghetto Français, pour ceux qui aiment le rap français. Allez écouter, cliquez juste. Yvan Remix, Ghetto Français, c'est juste voilà. Classique. Le mec français. Est trop fort. Ah ouais. Et là, c'est lui qui a fait la prod aussi. Mmh. Et on s'est mis en connexion. Il y a un feeling de ouf. Et puis voilà, elle cartonne. Je lui ai même redonné envie de chanter. Du coup, elle repart sur un album. Donc c'est cool. Mais force comment on fait, par exemple? Imagine, tu vois, comme toi, je suis un petit gars qui rappe dans mon coin, dans ma province, dans ma banlieue. Ouais, tout là où West Coast. Ouais. Comment je fais pour contacter les gens en fait? T'envoies un message? Comment? Ouais, tu croises les gens à gauche à droite, tu les big up sur leur projet, tu leur fais écouter des trucs, à force tu te fais des connexions, l'autre passe le message, l'autre ça, tu le rencontres en studio, tu vois l'autre, et puis il se passe des feelings. Moi j'ai essayé de faire des morceaux avec des gens avec qui j'avais un feeling. Il n'y a aucun but, tu vois, j'ai pris un nom pour prendre un nom, c'est vraiment que des amis en fait, où c'est devenu des amis, où il s'est passé quelque chose. Avec Déborah on s'est dit si le feeling il passe pas, bah tant pis, et puis on s'est éclaté tous les deux, on s'envoyait les morceaux par téléphone et tout, et voilà, c'est devenu un vrai kiff quoi. Donc, est-ce que, je suis désolé de poser cette question, mais est-ce que ça coûte cher de faire un album? Aujourd'hui, tu vois, on a investi, donc on a du matos, on a des choses comme ça. Là je sors pas de CD, donc finalement, c'est pas grand chose, tu vois. Ouais. Donc, il y a toujours un petit coût, mais je dirais moins qu'avant, parce qu'avant, on faisait des vinyles, des CD, c'était vachement plus cher. Ouais. Là, franchement, je l'ai fait avec deux francs 6 ou donc quoi. En digital? Ouais, exactement. Toi, ça sort lundi? Ça sort lundi, c'est ça. Ça s'appelle Hate Love. Hate Love. Leslie déjà avec nous. On repart sur quoi alors, Leslie? Un son qui s'appelle là on va piquer un petit peu. On va passer sur un truc un peu salace avec ma main OGA qui est dans la place. Ah, OGA. Voilà. Présente du bruit. Présente-nous. Ouais, c'est un grand timide. Qui est OGA? OGA, c'est un rappeur de chez moi qui vient de Oudzel Zou. Il vient de la banlieue cachée de Dunkerque, tu vois. Et c'est un rappeur, voilà, très très très bon rappeur que j'aime beaucoup, que je suis depuis pas mal d'années. J'avais réalisé son premier album. Et là, ça fait, je sais pas, 5-6 ans qu'on le tanne. Vas-y. Et puis là, il est reparti. Il a retrouvé un peu d'ambition, un peu de peps. Et il m'a fait un super son. Enfin là, big up à lui. C'est un rappeur que j'adore. Vraiment. Leslie Ja a pris le contrôle de la nocturne. C'est ça. 100% rap français, on y va? C'est parti. Poubelle contient marmot. Excusez-moi pour les paroles, désolé. Non, ça va pas. La nocturne, 100% rap français. Leslie Ja est au contrôle. Envoyez les messages, le hashtag Skyrock, hashtag la nocturne. 41759 pour les SMS. Ça arrive dans le studio. Balancez. Je rentre dans ce club, je suis comme un micro. J'ai lâché des billets dans le soutien-gorge à déco. Les gunshots que j'ai fait sont dans la GoPro. Elles enlèvent le haut, c'est trop. Poubelle contient marmot. Elles connaissent mon blaze, elles connaissent mes tatous. J'suis pas là pour les bars, j'en veux pour mon genre. J'ai le cerveau dans les yeux-coups. Elles s'intéressent à moi, j'm'intéresse à leur cul. Plus fort que moi, elle me plaît, dirais-je l'imagine sur les rotules. Elles ont perdu leur fierté, j'ai perdu mon salaire. Punix sa mère, y'a fast life sous le plexus solaire. Je vais ta barre de pole dance, je vais être son putain de plan baise. Collé au siège, ma tête dans ses hanches et mes mains sur ses fesses. Yeah. Elle twerk sur ma bite comme si sa vie en dépendait. Trois quarts d'heure, j'suis dans le club, j'ai pas encore des bandes. J'connais pas leur place perso, j'leur ai pas demandé. Si j'rentre seul ce soir, ma main droite sera mon plan B. Beaucoup trop tactile pour elle, alors elle dit stop. J'veux encore sortir des billets, mais j'me dis stop. Là pour tout niquer, appelle-moi Brack Marlott Brock. Pas là pour discuter, y'a pas moyen, faut que j'fuck. Je rentre dans ce club, je suis comme un micro. J'ai lâché des billets dans le soutien-gorge à déco. Les gunshots que j'ai fait sont dans la GoPro. Elles enlèvent le haut, c'est trop. Poubelle contient un marmot. Alcoolisé, je rentre et je regarde les photos. Plusieurs fois comme Vincent Vega, je frise l'arthrose. Ça coule à flot, je me Kleenex le vent chaud. Big up my man, style. Je suis vide et poubelle contient un marmot. Ma langue largué sur sa lave mouvante. Ses gros seins ne sont pas gonflés de solitude. Ces éléphants qui ont un vagin trompent énormément. Sur ses habits trempés, je mets du spermabilisant. Je regarde la colonne vertébrale qui penche. Dans sa chair, je la serpente. Les capris, c'est fini, c'est une céréale chopeuse. Zalando, il lui reste dans sa peau. Y'a nos sexes, tout marcher sur des roulettes. Sauf le petit déjeuner, elle ira chercher son avenir dans d'autres coucougnettes. J'irai checker des 8-6 dans une supérette. C'est pas l'âge qui fait la mère, si j'ai envie de la sodome. C'est pas la bille qui fait la nonne, j'voudrais tant qu'elle me pardonne. Oh, viens voir ma bite est dans un casse-dalle. Son mot de passe est galope, j'viens d'écarter ses escalopes. Je suis le loup de Wall Street, mon G lui dessine sur le pif des hiéroglyphes. Je suis prêt, elle est Cyprine, qui vit dans un ananas, le mec le plus carré. Je rentre dans ce club, je suis comme Namiko. J'ai lâché des billets dans le soutien-gorge à des go. Les cum shots que j'ai fait sont dans la GoPro. Elles enlèvent le haut, c'est trop. Poubelle contre un marmot. Alcoolisé, je rentre et je regarde les photos. Plusieurs fois comme Vincent Vega, je frise l'arthrose. Ça coule à flot. File bien la prod. Le vent chaud, chaud. Je suis vide et poubelle contre un marmot. Philby à la prod de production. On continue par un classique, tu sais ça Fred, tu sais ça, gros kiff. Yeah. Doc J. Il est en tournée hein. Ouais, on va le voir, on va le voir. Dédicace Marc, John, Thomas, Charlène, Marie, Aurore et Julien. Et bien sûr. Je te connais toi, Tipon. Si tu savais ce qu'ils pensent des gens de couleur, ma sœur. Y'a pas de fleurs dans mon malheur. Pour t'en offrir, je me fais rappeur. Pourquoi subir tel un cireur de chaussures? Pour m'en sortir, je suis conteur de mes aventures. Un mec à la recherche d'une femme pure qui se la raconte pas et qui a de l'allure. C'est sûr, si toutes les meufs étaient carrées comme Maria, je fumerais moins, je boirais moins de Bavaria. Je combattrais la légende, la malaria. J'aurais la foi comme Mère Teresa. Toutes ces promesses gravées sur le cercueil de Lady Di. Comme à Dallas pour Kennedy. Vous m'aurez pas, j'ai un holster sous mon teddy. Le pape endort la masse avec des promesses à la messe. Laisse, j'encaisse. Ah non. Tu me coupes pas ça hein. Tu me coupes pas ça hein. Bercer les gens de bonne musique. Faut signer sur des labels qui ne pensent qu'au fric. Je le fais, et si je pouvais, je ferais les pubs qui vont avec les tubes. Et tu comprendrais comment on t'entube. Demande à Virgin, et demande si à De Burtel. J'ai une copine dans la machine, elle a changé le cours de ma vie. C'est des sadiques, je veux le contrôle de mes clips, de ma musique. Fonce des, mais pas teubé. Pas la poule au disque d'or ni le presse-billet. Un coup de rhum vieux et je m'arrache où Dieu le veut. J'en ai 23 et il a des projets pour moi. J'ai pas raison de vouloir faire les liaisons. Ou t'as peur qu'enfin arrive notre saison. T'es qu'une balance, un mec comme toi peut suffire à faire sauter tout ce qu'on veut créer notre empire. Classique Doc Gynéco, liaison dangereuse. Sortir de la musique comme j'y suis entré, libre. Reprendre les livraisons lorsque mon beeper vibre. On déclare ce jeune branleur ivre, révolutionnaire. Avec le recul, la vérité a dû leur plaire. Ils parlent de moi en exemplaire. Ils disent que je suis fou, que dans la vie j'ai fait mon trou. Pas besoin de grimper dans leur estime. Moi je suis l'homme qui valait pas 10 centimes. Y'a que les morts qui parlent pas. Un dernier scud avant qu'on me fasse sauter le pas. Quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le monde des affaires, le rap, les ministères, c'est toujours un gangster qui contrôle l'affaire. Leslie, Leslie, coupe-moi ça s'il te plaît. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Pourquoi tu as mis ce son ? Parce que tu sais, je kiffe, tu kiffes, on kiffe tous. Franchement, c'est un gros classique et ce son-là, on peut l'écouter des heures. Il me lasse jamais. Docteur qui est en tournée d'ailleurs. Ouais, hein, ouais, ouais. Nous, on va le voir le 26 là, à l'Olympia, je crois. C'est vrai ? Ça. Ouais. Tu seras là ? Ouais, ouais, je serai là. Tu seras là ? Bah oui. Ok, mortel, cool. Mais moi, Doc, attends, c'est bah Bruno, ouais. C'est une histoire incroyable. Ah ouais. C'est comme toi en fait. Mortel. Moi, Bruno, merci. Il a vécu chez moi. Hein. Ouais. Hmm okay. Il était à la maison, il venait, il débarquait avec Fred Chichin d'Erita Mitsuko à l'époque. Enfin, c'est, ok, putain. C'était un truc irréel et voilà. Donc j'ai une affection particulière et de mettre ce son, franchement, c'est. Bah t'as vu, sans lien, y a pas de triche. Voilà. C'est particulier parce que voilà, c'est un son que j'ai vu écrire, que j'ai vu composer. Que, voilà, donc merci. Merci à toi. On a le même kiff, ça fait plaisir. On remettra un peu de gynéco à la fin, non ? Ouais, vas-y, ça ferait plaisir, ouais. Carrément. Non, vraiment ? À fond, à fond. Lesidja est avec nous dans la nocturne 100% rap français sur Skyrock. C'est ça. On repart sur quoi, on repart avec Wanjo, m'amène Wanjo, OGI et Wanjo, qu'on fait un morceau à deux sur une phase B. Et voilà, ils m'ont invité sur le refrain. Voilà, je les big up. Et comme je t'ai dit. Et on peut trouver où alors le morceau ? On peut le trouver sur YouTube. Il est sur YouTube, ouais. Tu peux le télécharger sur YouTube. C'est Wanjo, OGI. Le garçon qui est à l'antenne, il s'appelle Lesidja. Allez cliquer, ça s'appelle Hate Love. Ça sort lundi. Mais déjà en précommande, hein. C'est que ça. Du digital. Hein. Que du digital, il n'y aura pas de CD, vous ne trouverez pas. Allez cliquer, voilà. Leslie Ja, L-E-S. L-Y-J-A. Voilà, merci. Voilà. T'inquiète, t'inquiète. La merci. Cristalline monte, mon frère. Putain, on va faire une émission ensemble parce que je sens que tu peux m'aider là-dessus. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, je suis là, frère. Je suis là. Comme ils se foutent de ma gueule, les petits cons avec moi. T'as vu les petits cons avec moi ou pas ? Ouais, ouais, je vois ça. Parce vois qu'on ça. Est séparés par une vitre, faut expliquer en fait. On est séparés par une vitre, toi t'es d'un côté avec tes potes et moi je suis avec mes potes. Ouais, c'est ça. Ils se foutent de ma gueule. Ouais, ouais. Moi, les miens pour l'instant, ils se foutent pas de ma gueule. Bon, ouais, pour l'instant, peut-être après. Pour l'instant, ça va venir. C'est la nocturne 100% rap français. Leslie Ja au contrôle sur Skyrock. Yes, on est reparti. L'album, allez cliquer. Ça s'appelle Hate Love. Envoyez des messages 41759. Hashtag la nocturne, merci. Hashtag Skyrock. Big up à vous. Wanjo, OGA sur Skyrock. La nocturne de Fred. C'est parti. Ah. Yeah. Territoire en guerre. Territoire en guerre. Territoire en guerre. Dans les clubs sortent les jeunes. On traverse les époques de verre en verre, de haine en peine. T'es dans le Trois-Rivières, j'suis dans les trois trous à ta rhum. Desséché comme un fruit sec, sirop sportif. Opéré comme un 100F dans un décolleté. Je sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais l'avenir n'est pas écrit sur la carte. Et le soleil s'est levé, sirop sportif. J'suis de Saint-Paul, fraîchement arrivé, tu demandes ce qui se passe partout. J'reprends du service, licence de teuf. J'en ai rien à trop fou. De ces guerres entre vous. Avec 5 piges d'absence, j'aime à l'amender, ça les rend fous. Les gars, t'appelles frère et se comporte comme des fils uniques. Frère, t'es dans la merde, mais c'est pas à sens unique. Beaucoup sont amnésiques. T'es en bas qui coûte du passé. Pour une meuf ou pour du liquide. Combien t'ont déjà zappé? J'suis blessé en chaque année. J'ai pas peur de carner. Sortez pas les petits mouchoirs. Guillaume Canet. Et ouais, j'suis cramé par les keufs et les patrons de boîte. J'suis trop rabat, ce soir j'te baisse pas, alors j'te dois. Wanjo, dis-leur que le monde est petit et que tout se sait. Pétage, préfère ta val. Si tu viens pour me sucer, j'vais en bas les coups du sucre. Façon Cyrano marche. La terre part en sucette. Vois les couilles de ton tour, guerre. Dans les clubs sortent les jeunes. On traverse les époques de verre en verre, de haine en peine. T'es dans le Trois-Rivières, j'suis dans les trois trous à ta rhum. Desséché comme un fruit sec, sirop sportif. Opéré comme un 100F dans un décolleté. Je sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais l'avenir n'est pas écrit sur la carte. Et le soleil s'est levé, sirop sportif. One Joe. Gravi les échelons sans recevoir galon. Enfermé comme felon, j'ai plus confiance au frelot. Tu veux m'espionner, fredonner, j'arrête de pardonner. Les jaloux, je vous fuck sans qu'on me l'a ordonné. Tu veux être mon pote, mec, c'est pas donné. T'es un accident de capote qui joue les gros bonnets. On entend sonner les cloches quand elles sont fauchées. J'habite au bord de la côte, fais une vague droit sur mes rochers. Droite, Chiro qui bat le boa. Tu marcheras dessus quand la souris mangera le boa. J'ai rien élaboré, squat le laboratoire. T'as beau collaborer au GIA Moulin, t'envoies au purgatoire. T'es ma team, plagiant comme pas. Prends ta copine sur trampoline, Tini, t'aimes pas. T'as beau temporiser, le score t'a défavorisé. Reste à m'écouter, à tes côtés, j'suis valorisé. Club, sortez les jeunes. On traverse les époques de verre en verre, de haine en peine. T'es dans le Trois-Rivières, j'suis dans les trois trous à ta rhum. Desséché comme un fruit sec, sirop sporty. Repéré comme un 100F dans un décolleté. Je sais pas ce qui se passe dans nos têtes, mais l'avenir n'est pas écrit sur la carte. Et le soleil s'est levé, sirop sporty. Et le soleil s'est levé, sirop sporty. Et le soleil s'est levé, sirop sporty. Bandit. Wanjo, Gia qui sont avec nous dans les studios, faites du bruit pour eux. Lourd. Aïe. Je t'ai dit, Fred, on va passer des gens de chez moi. Alors, on va passer. Vas-y, balance ça. On va balancer un petit qui vient de GS, Grande Sainte, qui s'appelle Tété. Le blanc, il est là. J'espère qu'il est à l'écoute. C'est un petit que je kiffe grave. Il faisait partie des Minos. Grande Sainte. Voilà, Grande Sainte. Un petit vraiment qui a du talent, qui est un bosseur fou aussi. Et qui prépare des belles choses. Donc, big up à toi. Ça s'appelle Tété. Et on... Tété, il s'appelle ouais, il s'appelle Tété Le Blanc maintenant. Il a on changé, peut le suivre voilà. Ou pas, tu sais si, ouais, ouais, c'est Le Blanc. Le Blanc le vrai sur Facebook. Voilà, Le yes. Blanc le vrai. Le Blanc le vrai. Il est en ligne, il est en ligne. C'est ça, il est en ligne. Big up à toi, mon frère. Écoute ton son. Kiffe. Mets-toi bien avec ton équipe, ça fait plaisir. Dédicace Grande Sainte. Grande Sainte dans la place. Dédicace le Nord, ça fait plaisir. C'est des mecs de cœur là-bas. Vous savez que c'est des mecs de cœur là-bas. Merci. Boum. 5. 9. Je peux être le plus blindé, tu me verras jamais faire des sous seul. Par où commencer, je sais pas, en plus j'ai trop de choses à dire. Le fait que mon frère peut plus marcher, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Faut que je pense à autre chose, que j'arrête de boire de l'alcool. Avec ma mère, je suis en main distant et que je sorte mon album. Si j'écris ce texte, c'est pour que tu comprennes dans quel monde je vis. Pour te faire voir que ma routine avait un but sordide. Mon père me répète, le rap c'est juste des conneries. Pourtant il aime ce que je fais, sur mes propos je voyais des conneries. Bref, les années passent et je travaille toujours pas. À 25 piges, je me couche à l'heure où ma daronne tous grave. La nuit, en plus car j'arpente les rues de ma ville. Je me vois pas dans 10 ans à faire pareil avec mon fils. Il faut que je change, que je trouve un grand sens. Je la remets, que j'épouse celle que j'aime, me mettre dans le team. Pour moi c'est ça le remède. Compte sur moi, maman, je m'en sortirai. C'est pas sorcier, je vais droit au but. Non, non, pas de sortilège. Pourquoi je vais? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Eh, pourquoi je pleure? Maman, je t'aime, ouais, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je veux pas que tu partes, c'est pas facile de l'autre côté du mic. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Eh, pourquoi je pleure? Papa, je t'aime, ouais, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je veux pas que tu partes, c'est pas facile de l'autre côté du mic. La rue et moi, c'est pas rap comme deux tourtereaux dans le quartier. Plus d'amour depuis qu'on nous baisse tous à tour de rôle. J'ai pas le moral comme mon père au chômage. Je me plaque quand je suis en galère. Quand y'a pas d'une, c'est dommage. Tu crois vraiment que je vais percer dans la musique? T'es sérieux? J'écris des textes pour passer le temps. J'ai de la tristesse dans les yeux. J'ai plus d'amour pour la zic. Y'a juste de la place pour l'assise. Et si tu m'invites en réseau, chez toi on déboule assise. Tous les jours, samedi soir, embrouille sales histoires. Les types vendent la dope sur ma mère, ça me déçoit. On est que de passage sur terre. Frérot, faut se faire une raison. Jamais trop tard pour se repentir. Chez moi, rien de chance sauf les saisons. Ça pue la peu et la tease dans l'ascenseur de ma vie. Quand tu commences à monter l'escalier de la mort te radie. Si je veux le paradis, je veux pas finir en enfer. Même à son pire ennemi, on souhaite pas la mort ou le cancer. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Maman, je t'aime, ouais, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je veux pas que tu partes, c'est pas facile de l'autre côté du mic. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Papa, je t'aime, ouais, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Je veux pas que tu partes, c'est pas facile de l'autre côté du mic. J'ai freestylé même dans les sous-sols. J'peux être le plus blindé, tu me verras jamais faire des sous-sols. J'ai grandi dans le besoin, fiston, j'ai les deux pieds, les dents, ciment. Je brise des carrières comme un licenciement. Je suis devenu ce que je suis. Je voyage tout part pendant que tu restes dans le Tchex. Plus de problèmes qu'un prof de maths ou un muet dans le game. J'écris rarement, mais quand je le fais, mon son découpe les crânes. Je sors des égouts, des graves. J'ai les mains propres, mais j'arche, découpe les crânes. Je vendais de la drogue à tes remparts, c'était moi le marchand de sable. Je roule sans permis avec ma meuf, mais j'ai plus d'argent sale. Raconte-moi pas ta vie, y'a plus de respect, on regarde ta fille. L'escarlatiste, qu'on va partir un jour, mais pas comme Kadhafi. J'ai pris des rides, j'écris des rimes, les jaloux s'excitent. Les miens dérivent, y'a que dans les lignes que mon rap s'exhibe. Mes clips sur le net, demande à ton père s'il me connaît. Ici tout le monde est faux, j'ai même vu des bzès, s'il les connaît, hein. Le blanc, les briques rouges. 5-9, 7-60, le blanc. 5-9. NG avec nous dans les studios. 100% explicite lyrics. La nocturne. Usant d'une technique inconnue de nous. Technique qui fait appel au son. C'est quoi ce rap poussiéreux, NG tout sérieux, à plein tout serré. C'est vat comme en série, RAP commensurable. Montre-moi comment tu rap, si c'est du rap, j'en parlera série. Tellement c'est pérable, balayette comme les premiers mots de mon neveu. Nouvel an, tout niqué fera partie de mes premiers vœux. En effet, je dépoussiéré, nouveau MC dans ma série. On fera montrer comment serrer, pas et tout ça à retirer. RAP, parent yeux, y'a de quoi faire un coup balai. Les mêmes flots ont défilé depuis quelques années. La haine prolifère dans la tête des petits. Voilà la conséquence du discours du nouveau RAP. Nouveau genre vient faire la diff. Balade pour le bif. Entre nous ça kiffe les écritures sous spliff. Ok, plus de mal que de bien sur la balance. Suis la cadence car je viens faire du bruit en silence. Le rap pas mal ne veut pas changer. Pas de révision. Première division, NG fuck les médisants. 5-9 résidents, c'est la résistance. Avec mes rêves on danse avec les loups depuis notre existence. Haine depuis qui les niseurs. Par la vendetta, nouveau genre sur grand écran. Les pétasses font le grand écart. Au fantôme. Et les gars de grand tout parler dans RAP. On est là, on s'en balait, c'est moi le coup de balai. Chez moi les assiettes sont meilleures quand elles sont partagées. Esprit partageur, c'est pas gagné, je sais. C'est souvent les mauvais qui vieillissent et partagés. Équipe engagée, NG tu connais. Écoute le flow des miens, oui tu te reconnais. Balance l'instru, roule un joint pur à 8 mesures à l'état pur, ça y est frérot. Ouais, l'affaire est bouclée. Dans le rap, gros coup de balai, j'ai vite fait trop de balai. Balance, ça va vite, j'ai avé balai. Comme quand je rappe, suis la cadence. Ika, je me pars en vacances. Ton flow n'est pas convaincant. Si je suis wanted chez les condés, ne leur dis pas, je reviens quand. Je suis pas du genre délinquant. Moi, je suis bon car rentrer tard. A trop misé sur vous-même, les gars, vous finirez smicard. D'après vous, le rap, c'est nous. Tu galères ou l'infameux. 2015, je suis le loup parmi toutes ces fameux. Mais c'est. Votre heure est venue. Votre heure est venue. Une tempête. Une tempête. Non, tempête. Non, tremblez devant nous. Tremblez. Nous arrivons. Nous arrivons. Grande Sainte, 59. Jusque Valenciennes, Paris, hein, Skyrock. On est là, cousin. Tous les indés. La haine. La place. Ah, sur la fête du bruit, oui. Pour l'ANG, s'il vous plaît. Oui. Ouais, ouais. Pur produit, grande sainte, ils sont là. Il y a Missa qui est là, il y a Arnaud. Bah, présente-nous. Voilà, Missa au contrôle. Arnaud. On est là, Nono. La NG, on s'est déplacé, t'as vu, pour David. Les Slidja, on est là, son album. T'as vu, NG 59, grande sainte, on représente. Oui, oui, 59. On représente jusqu'à la mort, grande sainte. C'est grande sainte. C'est ça que ça se passe. C'est GS. Dédicace tout le monde, jusqu'à Valenciennes. Je te laisse le micro à mon cousin, il va parler un petit peu. Des gros taffeurs, Fred, des gros taffeurs. Ils ont fait plein de projets. Là, Missa, ça faisait partie de son projet solo. Ils sortent tous des solos, ils bossent ensemble sur. Le de Missa, c'est le 6ème. Il y a le 7ème et le 8ème qui arrivent. Voilà, il prépare. Non, tu prépares le tien aussi. On peut vous suivre quelque part. Ouais, on peut cliquer NG59 officiel. NG59. Ouais. Voilà, MOH, un petit mot. Il est là, MOH aussi. Ça, c'est voilà, c'est mes petits refs. Ouais, NG59 officiel sur Facebook. Donc voilà, on a fait plusieurs albums. Groupe de grande sainte, dédicace d'ailleurs à la G2, à tout le monde, tout GS. Et voilà quoi. Et les Sija, ouais. Dans un son live ou pas après Ah, comme tu veux. Ah ouais, ouais, ouais. Si, on va faire un son live à la fin. À la fin, ouais. Gros yeux. Ouais, on va faire ça à la fin tranquillement. Donc là, on fait quoi? On repart sur une session? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On va repartir sur une session, ouais. On fait un freestyle à la fin. Rappelle que ton album Lundi dans les bacs. Ouais, il est dans les bacs. 8 Love, 33 titres. Voilà, allez sur iTunes. Tapez Leslie Jah, L-E-S-Y, plus loin, J-A. Ça s'appelle 8 Love. Et voilà, 33 titres à 8 balles. Ça va. Et on est reparti pour une nouvelle session. Alors on est reparti. On est reparti sur mon son, on est reparti sur mon album, un son avec Kaïps de l'équipe à Gradure. Oui. Voilà. Dédicace quand même Gradure qui représente le Nord. Exactement, quand même, non? Big up à lui, grave gros big up. Voilà, c'est des gens de chez moi et c'est des gens qu'on kiffe forcément. Et Kaïps particulièrement parce qu'il a vécu Kaïps, aussi. Ouais. Voilà, il a vécu à Dunkerque et on l'a eu avec Riyad qui est dans la place. On l'a eu ses premiers enregistrements, on l'a fait et il a fait que monter. C'est un super petit gars, un super gars qui a la rage et qui déchire. C'est pour ça que je l'ai invité sur mon album, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et dessus, il y a aussi Mess, un grand MC de Lille. Ça fait longtemps que je crois en lui, ça fait longtemps qu'il peut tout péter. Il s'appelle Mess, Big Mess, et je le big up aussi. Et que Riyad a enregistré aussi, voilà, enfin bref. C'est un son, bam, Hate Love, c'est parti. Bam. Voilà. La Nocturne, Leslie Jah au contrôle de La Nocturne. Envoyez les messages. Et voilà, prod. Big up Maman Dawe qui écoute, on va parler de lui après. Je connais la loi de la rue, je côtoie des mafieux russes. Je suis dans mon labo comme Walter White. Je produis un max de thunes. Le nez fourré dans les trafics, le tien dans la coque. Comme Al Capone et les rappeurs qu'un Rivetto, je vais me lancer dans le business de l'alcool. T'adresseras la parole au Big Mess que si tu fais de la maille. Pitch ton kill ma vibe, je faisais un peu comme Kendrick Lamar. Ouais, reste calme ou je te nique ton bail. Fuck you, the world is mine. Fuck you, the world is mine. Fuck you, the world is mine. Je vais tous vous envoyer aux oubliettes. On va te fumer pour quelques billets. J'ai croisé ta carrière en mobilette. Ton rap et ton flow, leur courir après. On fait du sale mais en vrai, j'ai pas le temps de te raconter ma vie. T'as moins de courage que ma bitch, donc ferme ta gueule ou parle à ma bite. Dans ma team y'a que de l'Ascar. Arabian dream comme au Qatar. Touche mon patrimoine et c'est la cata. Je shoot une balle perdue peut-être fatale. J'ai l'arc de triomphe tatoué sur le bras gauche et la tour Eiffel dans le froc. On n'est pas né du même cercueil, mon bise est en sous-titré. Tu fais des génocides dans le sopalinge Titanic dans tous les vagins. T'es à la Syrie, je suis en Syrie, je me prépare à la guerre. T'es qu'un artiste raté comme Hitler. Je marche sur des bulles d'air. Je suis extra, tu n'es qu'ordinaire. J'avance comme un torrent de lave. Je te laisse faire tes prières. Je me fais sucer la quéquette. Ice Cube, Wicked, 140 caractères. J'ai beaucoup plus qu'un océan. Jouis, j'ai Zeus a coupé l'homme en deux. J'ai remis cette lesbienne dans le droit chemin. Au moins deux. Dans ma team y'a que de l'Ascar. Arabian dream comme au Qatar. Touche mon patrimoine et c'est la cata. Je shoot une balle perdue peut-être fatale. C'est quoi les jazz? J'en place une pour Bobby au Hebs. Mandat de dépôt c'est la haine. L'inconvénient de la thèse. Putain de merde, putain de merde. Toujours les mêmes pour le chaos. Comment se tenir à temps? On a quitté l'école sur le chemin des narcos. Foie ou foie. Le petit a grandi, je suis à l'assaut de l'industrie. Du machiavélique, de la boucherie. Il joue l'escala, contrôle de routine. T'as le cœur qui bat, c'est toujours celui qui compte. Salope, qui finit par l'en bas. Enfoiré, je vais te voter. Si je sors, les salles viseraient pas à côté. Mes négros n'ont pas de pitié, te laisse sur la chose. C'est quelques jours d'été. Déterminé, qu'est-ce que je verrai pas pour la monnaie. Déterminé, l'argent facile, la bibi est dans ma tête. Dans ma team y'a que de l'Ascar. Arabian dream comme au Qatar. Touche mon patrimoine et c'est la cata. Je shoot une balle perdue peut-être fatale. Dans ma team y'a que de l'Ascar. Arabian dream comme au Qatar. Touche mon patrimoine et c'est la cata. Je shoot. Big Mess, big up frérot, Kaïps, chez Guess Squad, big up à vous, gros big up Ah, mes frérots, merci d'avoir participé à ce morceau, ça fait super plaisir. Fred, on va repartir sur une ambiance West Coast, non? Comme tu veux. Ah ouais, moi je suis comme West tu Coast. Veux. Je suis West Coast. Moi encore, je suis chaud. Encore un son de mon album avec un grand monsieur. Et qui... c'est quand le live, par contre? Fin, à la fin. À la fin, on fait et ça. 1h08, 1h08, il y a un moment où on tire le store. C'est vrai? Ah, j'ai allez, encore on continue. Ouais, on continue, merci, on continue, merci. Okay. J'ai encore pas mal de trucs. Tu veux, tu veux, tu veux, tu oh, veux, parce que j'ai pas mal de sons encore de petites chez moi à passer. Vas-y, tu vois vas-y, balance, balance. Ok, balance. Alors on va passer celui-là, c'est sur mon album aussi, et c'est un son avec Nico du Portal, un bluesman qui fait le tour du monde et qui vient de chez moi aussi. Big up à lui. C'est parti. Bon. 100% rap français. Il y a des chips et des verres dans le coffre. On se fait sauter le caisson après le taf. Ainsi font les foncés, on finira au snack. On craque tous un jour ou l'autre après l'ivresse. Les sentiments deviennent des complexes. La lune cache le soleil. En vain j'attends que la zik me paye. Et la peine me fait répéter mes gammes. Je compte sur la vie d'après. J'écoute le paradis blanc posé dans les drames. Il y a trop de monde sur Namek. Parfois je me dis qu'il faudrait que je leur fasse des chansons muettes. Quant à elle, je suis l'homme de sa vie. Jusqu'au prochain, suis-je une âme perdue? Tous les jours, j'apprends à mourir. Vivre est une maladie, je défie mes contresens. Mais tous les jours, il me faut souffrir. When I'm looking for a brand new day, a moment to regain my grip. I'm trying to keep that face, am I in the wrong way? Jadis, je me prenais pour un artiste. J'ai envie d'écouter personne de plus en plus. Étale ma vie sur Wikileaks. On se vomit les uns sur les autres. Connais pas l'effet de la pilule de Matrix. La vie se résume à Netflix. Je marche dans la merde en Stan Smith. Je suis arrivé sur cette étrange planète au pied de biche. On a tous un avis définitif sur tout. Bonne continuation à vous, allez vous faire foutre. Je me sens super sympa, je m'en bats les couilles des vôtres. On se prend la tête avec le virtuel des autres. Et la Gestapo interne est partout. L'empathie, la tyrannie nous maraboute. En vrai, je suis l'homme de sa vie. Jusqu'au prochain, suis-je une âme perdue? Tous les jours, j'apprends à mourir. Vivre est une maladie, je défie mes contresens. Mais tous les jours, il me faut souffrir. When I'm looking for a brand new day, a moment to regain my breath. I'm trying to get that place, am I? Self insane. I need to find a brand new way to find a way to pray. I'm looking for a brand new day, a moment to regain my breath. I'm trying to get the face and my. La mort, c'est le sexe et pas l'amour. À la fin, comme des inconnus, on se fera même plus la bise. Pour viser la lune, on sort la luge et le statut de statue. Mon tour ne viendra même pas avec un ticket de sécu. Well, I'm looking for a brand new day, a moment to regain my breath. I'm trying to keep the face, am I? Nico du Portal, la vie d'après sur Hate Love. On continue avec un son d'Hate Love, avec Production Incorruptible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent celui-là. Voilà, on va écouter deux sons de Production Incorruptible. Celui-là, il est sur mon album, Les 4 réunis, Phil B. Hate Love. Hate Love. Phil B, Saïma Saï, Taïma Taï, moi-même, Leslie Dia, Production Incorruptible. J'ai pris en considération comme dans toutes les situations et je prie à chaque saison, ne me demande pas si j'ai raison. L'avenir est une célébration, mon corps, une addiction, mon âme, une affection, mon cœur, une addiction. Faudra bien que je m'en sorte, que j'arrive à me détourner, que les fardeaux que je porte finiront par me retourner. Quand la détresse frappe à ma porte, le destin se met à signer, mon âme se met à saigner, condamné, je suis insigné. Vive dans son ensemble jusqu'à la fin du parcours, survivre à ce qui ressemble à une vie entière, c'est court, j'insiste. Non, ne passe pas ton tour, non, ne passe pas ton tour. Y'aura pas de détour, nos positions ne changent pas. Je vois la vie à travers les yeux de ma fille. Yes. Je vois le monde différemment depuis qu'elle me sourit. La terre est tellement belle, alors arrêtez vos conneries. On est juste de passage, alors ne faites pas trop de bruit. Ton existence défile à la vitesse d'un tsunami. T'es toujours bien entouré, mais au fond t'as peu d'amis. Ils sont là pour le bise, tant que tu pèses, ils te font la bise. Attends-toi qu'ils te baissent si tu remportes la mise. tous et pour autour. On vit pas dans le monde, je pense que d'air je vais finir par manquer. Au cimetière sont pleins de solidarité. C'est même si je me tais à la Chaplin Charlie, mon arc-en-ciel a la couleur d'un treillis. Je sais que je finirai au sol SOS Ouistiti. Depuis la varicelle, je suis sous morphine. Fallait-il inventer la terre et puis les sous, inventer le savon qui glisse et vivre sur la boue. Je serai un pharaon momifié de PQ. Je me dis que la vie est belle de profil, on va bientôt crever. Faudrait que je la baise en calant mes mains sur ses seins. Allez, carnet de liaison, tous en pendaison. Je deviens comme un Tamagotchi. Même Aladdin a fait des trous de boulettes sur son tapis. Maman, tu verras comment il se comporte. Ils ont oublié l'amour et le respect. Un jour peut-être on enfoncera toutes ces portes. Un jour peut-être on apprendra à s'aimer. Et si la vie nous donnait une seconde chance, alors je mourrais de ne pas essayer, non. Toute une jeunesse emmurée dans le silence. Je veux encore pouvoir rêver. Je ne suis pas mieux né que toi. Ouais, faudrait pas que nos rêves nous fichent la paix. J'ai vécu la vie avec un grand. Alors je mourrai de ne pas essayer, non. Toute une jeunesse emmurée dans le silence. Je veux encore pouvoir rêver. Production incorruptible, yes, voilà. Yeah, faites du bruit, s'il vous plaît. 14 ans après, on s'est remis à 4, on a refait un son sur mon album. Je suis super fier de ce son, je suis super fier de mes frérots. Ça, c'est avec eux que j'ai commencé dans ma chambre. À l'époque, non, on est... ouais, non, c'est avec eux. Jure. Je te jure, c'est avec eux que j'ai commencé. Maman Saïmasai, Maman Taïmataï dans les studios avec nous. On est là avec lui. Alors, il prépare un album, donc on va passer un son, ouais. On va passer un mix. Je te laisse présenter Taïmataï un peu. Saïmasai. On va essayer de présenter en fait deux solos sur notre album. Donc on a fait un petit mix des deux et voilà qu'on essaye de. Ouais, c'est un album de. Non, mais attends, attends. Titres et... Est-ce que tu m'entends? Oui. Moi, je veux des dossiers sur les sites. Oh merde. Sur ta gueule, ils en ont beaucoup. Oh, quand il avait des cheveux. 1h16, c'est quoi le dossier de ce mec? C'est quoi le dossier de ce mec? C'était le petit blanc qui aimait du rap ricain, habillé comme un ricain, et voilà quoi. Qui arrivait avec des Patrick Ewing violettes. Des Patrick Ewing. Que personne n'avait jamais vu. C'était un ovni quoi. Mais toi, c'est quoi cette coupe en fait? Mais il avait des cheveux avant. Ouais, j'ai eu des tresses même. Il a même fait des tresses une fois sur un concert. Non, mais je parle de toi, c'est quoi tes cheveux? Ah, mes cheveux? Oui. Ouais. J'ai tellement l'habitude, t'as vu, je fais même plus attention. Écoute, c'est naturel déjà. C'est la mode. Roundup. C'est naturel, c'est vintage. Bon, en tout cas, ça fait plaisir vraiment de vous recevoir. Vraiment, ça merci. Fait plaisir d'être ici déjà et merci pour l'invitation. Je vais pas dire Leslie Dia parce que voilà. Merci. Non, mais parce que c'est Leslie Dia, c'est son nom de scène. Nous, c'est bon, merci vite d'avoir l'invitation, on est là. On est là, voilà. Quoi. Ça, c'est mes frères depuis toujours. Voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a voilà une grosse aventure. C'est avec eux que j'ai démarré et on repart sur un album de copains après leur album qui vont sortir prochainement. C'est du rap plaisir, quoi. Vraiment, on est là pour se faire plaisir, pas pour faire du buzz ni pour voilà. On n'a pas de prétention et voilà quoi. Voilà, c'est un dit titre. Il va être prochainement présent et on s'éclate simplement dessus, quoi. Allez, on écoute et ça. On écoute. Ouais, on écoute ça. Allez, merci, c'est parti. Frère. C'est parti. Production incroyable. Dans la boîte, réserve nous le coin VIP. Avec mes potes, on est sortis pour claquer quelques billets. Toi et ta bande de clochards, allez tous vous rhabiller. Sinon, ça va mal finir comme un match ou un PSG. C'est la fin de la semaine, on est venu relâcher la pression. Casse-nous pas les coups, garçon, sinon on te met un coup de pression. Vodka sur la table avec mes potes, faut pas déconner. Si tu fais trop le malin, tu risques de saigner du nez. Quand on rentre dans le club, ça fait oh là là. Toutes les meufs sont chaudes et crient oh là là. DJ passe du son qu'on foute le hala. Et si y a en brûle, ça fera. Je te vois danser sur la piste avec une dégaine de PD. T'as sorti le jean slim, tes bottes et ton col roulé. T'es plus à la page, mec, on dirait salut les musclés. Remballe ta panoplie de site comme mais fais-nous pas chier. Par contre la meuf qui danse avec toi, on veut bien s'en occuper. Je l'ai vu bailler toute la soirée, elle a l'air de s'ennuyer. J'irai bien faire un tour avec elle dans les WC. Lui montrer 2-3 trucs qu'elle ne pourra jamais oublier. Quand on rentre dans le club, ça fait oh là là. Toutes les meufs sont chaudes et crient oh là là. DJ passe du son qu'on fout le là. Et si y a en brûle, ça fera ratata. Quand on rentre dans le club, ça fait oh là là. Toutes les meufs sont chaudes et crient oh là là. DJ passe du son qu'on fout le là. Et si y a en brûle, ça fera ratata. Quand on rentre dans le club, ça fait oh là là. Toutes les meufs sont chaudes et crient oh là là. DJ passe du son qu'on foute le hala. Et si y'a un bruit, ça fera ratata. Allô la terre, c'est 06 dièse. Appuie sur le 7. On saute sans phare à plan du taca dans les chaussettes. Le chétan de main, c'est double turbine pour le muselet. Muselet, donne-moi ta peu si tu sais pas rouler. Pas rouler. Trop animal, sauf du ghetto. Soldat tombé au fond avec une fleur de canard sur le drapeau. Contenir mon mal, calmer mes démons, c'est dur car indomptable est mon lion, lion, lion. Pas peur des autres, juste un négro trop résigné. Pas de couverture réseau, je communique par signaux de fumée. T'aimes bien, dealer, dealer, j'ai besoin de ça que je smoke pour calmer mes nerfs, mes nerfs, mes nerfs. Sur la tête de ma mère, de ma mère. Battez les plombs, ouais. Desserrez les poings, desserrez les poings. Et quand je taffe ça se voit, grosse fumée, grosse fumée. Un nuage de fumée, parfumé, parfumé. My man Andro. Faut que je ralentisse, faut que je sois lucide. Un exemple pour mon fils, faut que je tienne mon rôle, faut que j'atterrisse. Loin de la zone d'homicide, faudrait pas que la police passe de contrôle. J'aurais du mal à retenir mes mots. C'est dur car indomptable est mon lion, lion. Je ralentis. Faut que je ralentis. J'suis plus d'ici, j'suis plus d'ici. J'crois que ça se voit, regarde chérie, regarde chérie. J'graffite sur ta planète sous un S, tes anesthésies. J'vous regarde de loin, j'suis déjà parti, j'suis déjà parti. J'vous laisse à vos problèmes, j'suis plus de la partie, j'suis de la partie. Faut que je ralentis. Besoin de me faire un perce, la réalité veut me briser, briser, briser. J'ai promis de stopper, c'est dur de vivre parmi vous, bédave. Mais fais-moi suffoquer, tu sais. Faut que j'atterrisse. C'est dur car indomptable est mon lion, lion, lion, lion. Pas un pirate qui chavire, juste un pilote d'aviation. Je préfère taquiner les étoiles et ne pas me noyer dans la boisson. C'est vrai qu'il y en a plein qui sont bloqués. Je suis plus de ceux qui vivent planqués. Planqués, planqués. Histoire de mourir en paix. Contenir mon mal, calmer mes démons, calmer mes démons. C'est dur car indomptable est mon lion, lion. 100% yeah, yeah. Production incorruptible. Faites du bruit s'il vous plaît. Big up à mes frérots. Big up, yeah. Ils sont venus. Ça fait plaisir. Voilà, ça va bientôt sortir. Production incorruptible. Ça sort bientôt. Ouais, c'est vraiment là. On bosse les derniers morceaux. On fait des petites finitions. Et puis voilà quoi. Ça devrait sortir dans pas très longtemps. Mais on aime pas trop les dates. Donc voilà. Pourquoi ça, c'est clair. Pourquoi? Bah, c'est toujours voilà. C'est jamais. On s'avance pas. On s'avance pas. On laisse le temps. Et puis bon, ouais. On va bien finaliser le projet et sortir un petit truc sympa. Ça sort jamais la date que tu dis. Donc voilà, on finit. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut retrouver les dates? Sur le Production Incorruptible Facebook. Un Facebook Production Incorruptible. Parfait. Okay. Alors, déjà, on repart sur quoi? On repart sur un dernier son de mon album. Après, on va passer 300 chez moi. Non, non, pas live. Tu ah, pas encore. Ouais, pas encore. Désolé. Un dernier son, je peux pas faire écouter les 33. J'ai même pas mis le son que je préfère de mon album. Je le laisse. Je veux que les gens le découvrent lundi. Oui. Voilà. Donc, c'est un son avec Die West. Big up Die West. Faites du bruit pour Die West, s'il vous plaît. Wow. Big up Die West. Pour moi, c'est le plus gros génie de sa génération. Il va faire un bordel en France. Il est comme Da Fire. Il a produit 7 sons sur mon album. C'est un génie. C'est un génie absolu. Je le kiffe. Il écoute. Big up à toi frérot. On big écoute up, ce son là. C'est un très gros son de Die Way. C'est parti. Advance. Yeah. C'est sur Hate Love. Allez le chercher lundi dans les bacs. Hate Love, Leslie Jia, L-E-S-L-Y-J-A sur iTunes. C'est vrai, j'avoue, j'ai perdu. En vérité, je suis déçu. Même pas le temps de t'expliquer. C'est pas de ma faute, je le redis. Écoute-moi pour une dernière fois. C'est vrai que j'étais love, love. J'étais love. J'avoue, écoute-moi une dernière fois. C'est vrai que j'avoue, j'ai perdu. Mais en vérité, je suis déçu. Pourquoi pratiquer vos yeux sur moi? J'aimerais oublier tous mes soucis. Oh non, non. Hey, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Hey, oh la zombie. Hey, oh la zombie. Oh la zombie. Hey, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Oh la zombie. J'ai mal à la tête, je sais même plus qui je suis. Je pense qu'elle va me quitter. Pourtant je ne l'ai pas mérité. Pourtant je ne l'ai pas compté. Pourtant j'ai fait les choses vraies. J'ai vraiment pas eu de chance, mais je dois l'accepter. En bas tes propos, même pas yo gang entouré par mes négros. Hey l'inègue, de toute façon je pense qu'elle avait raison. Faire des sacrifices à vie, perdre des frères à cause d'elle. Pourquoi ça tombe sur moi, chien? Pourquoi ça tombe sur moi, chien? Je suis dans mon jardin d'hiver, je peux faire un tour dans mon monde, oublier toutes ces galères, et rappeler en les salvateurs. Plus rien à faire, rien à faire, rien à faire, et je laisse couler, j'ai le cœur percé. C'est vrai, j'avoue, j'ai perdu, en vérité, je suis déçu, mais pas le temps de t'expliquer. C'est pas de ma faute, je le redis. Écoute-moi pour une dernière fois. C'est vrai que j'étais love, love. J'étais love. J'avais, écoute-moi une dernière fois. C'est vrai que j'avoue, j'ai perdu. Mais en vérité, j'suis déçu. Pourquoi pratiquer vos yeux sur moi? J'aimerais oublier tous mes soucis. Oh non, non. Lourd, highway, lourd. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Hey. Oh la zombie. Hey. Oh la zombie. Oh la zombie. Hey, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Il y a eu des mensonges, des changements, des rencontres. Ton regard a changé, m'a fait flipper comme un thriller. Le silence fut ton langage, venait te privatiser toute la plage. Tu as fait de moi ton toxico, je partais au paradis avant mon âme. Et moins tu me répondais, plus je m'accrochais. T'as réussi à te venger de toutes celles que j'ai laissées. J'ai cru que le suicide m'attendait, je te texto des je t'aime. 10 minutes après des je te hais. 4 heures du matin, des bouteilles vides à la main, je suis comme un tragédien. On s'aimait autant que les Français aiment le mot divorcer. Je pensais qu'au prochain verre de rosé, je sais que tu resteras au panthéon de mes destinations préférées. C'est vrai, j'avoue, j'ai perdu. En vérité, je suis déçu. Mais pas le temps de t'expliquer. Eh ouais, mon frérot, on est ensemble. Écoute-moi pour une dernière fois. C'est vrai que j'étais love, love. J'étais love. J'avoue, écoute-moi une dernière fois. C'est vrai que j'avoue, j'ai perdu. Mais en vérité, je suis déçu. Pourquoi pratiquer vos yeux sur moi? J'aimerais oublier tous mes soucis. Non, non. Hey, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Hey, oh la zombie. Hey, oh la zombie. V-Gang, Daiwe, B315. Hey, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Oh la zombie. Tony Vince, on est là. Qu'est-ce qui se passe? Vince croit bien dans ce club. Qu'est-ce qui se passe? Ressens la pression dans les sœurs. Qu'est-ce qui se passe? T'as les deux sous bras auréolés, t'es pas une sainte. Mais tu peux l'élever quand je suis dans les enceintes. Qu'est-ce qui se passe? On veut voir toutes les mains en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Que personne ne regarde de travers. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir ils ont soif nos voix. On balance un flow supernova. Qui ça? Yo, retour fracassant. Balle de sang incandescent. Sous les feux des spots. Régnant des spots. Mise à mort du sample. Je suis un mordu de ça. Samouraï dans du sabre. Coupe les têtes. Prends la couronne. C'est le jeu. Phoenix Crew de Maubeuge 5-9. J'ai du hip-hop sur les épaules. Mais je vole comme un papillon. Et pique comme une killer bise. Bon maillé, ils me disent, alors c'est parti. I rock the party, the rocks the party. Que tous les world boys dans la place fassent du mouvement. C'est l'équipe de choc qui revient d'avancer les tapons. Alerte rouge, les pyromanes sont dans la salle pour foutre le fire. Qu'est-ce qui se passe? Phoenix pour ambiance le club. Qu'est-ce qui se passe? Ressens la pression dans les seins. Qu'est-ce qui se passe? Allez dessous bras auréolés, t'es pas une feinte. Mais tu peux l'élever quand je suis dans les enceintes. Qu'est-ce qui se passe? On veut voir toutes les mains en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Que personne ne regarde de travers. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir ils ont soif de voix. On balance un flow supernova. Qui ça? Qu'est-ce que tu fais sur la piste si tu ne sais pas mouver? Si tu entends ce son, DJ n'est pas mauvais. Dirais même qu'il est très bon et qu'il a l'intention de foutre fire. Phoenix Crew, Maubeuge. Yo, bouffée de chaleur, des crasheurs dans les haut-parleurs. Ta vis moi tu refais un phoenix car ça porte malheur. Kicker le beat à l'embout, soudé comme la clique de Bootcamp. Des manifestes dans le Berkeley, en concert pour dans la queue là. On met des KO et des KFC. J'mets déjà la pinkette dans mon bucket. Puis c'est pissé, tu sais qui Alvin. C'est Alvin. Quand j'irai au club, Stephen King. T'es pas tout, joue pas de thug. Que tous les world boys dans la place passent du boucan. C'est l'équipe de choc qui revient d'avancer les tapons. Alerte rouge, les pyromanes sont dans la salle pour foutre de fire. Ok, on va continuer avec des gens de chez moi de Dunkerque, yeah, yeah. Ça s'appelle Kespa. Lessie Jean. Ouais, Fred. Au contrôle bref, de la nocturne ou pas? C'est ça, tranquille, hein. On est bien, ça se passe bien. Les gars, ça va ou quoi? Ouais, très lourd. Pourquoi les gars, y a pas de filles? Il y a Emma, il y a Emma qui est là. Ah. On va passer son son juste après. Oui. Juste après, on va parler. Mais là, on va enchaîner avec Kespa, Kespa Prod, des petites chez moi qui déchirent. Je leur big up. Sparko, toute l'équipe, Feno, big up à vous. Advance, on est parti. Kespa Prod. Le taf c'est la santé, dis-le aux victimes de l'amiante. Certains sont morts pour leurs idées, donc nos façons saignantes. Faites l'amour, pas la guerre, certains sont en guerre contre l'amour. Si le jour nous éclaire, la nuit je m'assombris après quelques qui fait pères. Les petits frères, qui fait n'écrivez pas mes leçons dans mes cahiers, car je dessine sur les tables. Monsieur le proviseur, rien ne sert de crier, je fais le sourd. Je t'écoute les rappeurs et mes srables. Les mômes s'en foutent des 5 fruits et légumes par jour. Pourtant veulent tous la pomme sur leur téléphone. Ils jouent au foot à 50 contre 50. Big up explicit, scan sur mer. Pour un regard, ils te cognent, leur innocence est pendu comme France Télécom, gavé par leur pub de luxe à la télévision. Le porte-monnaie en rade, on porte de la contrefaçon. Je rêve de rouler en grosse berline allemande et filer à l'anglaise en Espagne ou en Thaïlande. Y'a pas d'hasard ici, sauf chez les diables rouges. On fout le bazar car on veut que l'état se bouge. Que je laisse enragé, que vous ne savez plus contrôler. Ne sois pas étonné, c'est tout cause à effet. Y'a pas d'hasard ici, sauf chez les diables rouges. On fout le bazar car on veut que l'état se bouge. Que je laisse enragé, que vous ne savez plus contrôler. Ne sois pas étonné, c'est tout cause à effet. Vas-y rap, toutes nos conséquences se giflent. On s'étonne qu'on s'éloigne dans l'espace de la défense du vice. Pas des sens, tu flippes, files parce que les gens t'esquivent. Écrit méprise, on est tyrans qui flattent leur ego des piles. Je reste à avec mes potes en acte. La bétave, les filles calmes, on s'en compte en train. Tu passes du joint à l'AC, tu sais plus t'en passer. C'est dommage, t'es le tocard qui s'est fait encastrer par la vie. Mais tu valais rien avec tes va-et-vient dans tes embrouilles de galériens. L'homme n'a pas de prix, mais celui-ci monnaie. Quand sa prophétie le guette, pratiquant des sevices si obscènes. J'amplifie mon dièse, mais j'attends pas ça les s'appelle chèques. On parle d'Israël et depuis les attentats c'est bête. Acte tes conséquences, j'acte comme des grands. Rien à faire, c'est toujours le passé à présent. Y'a pas d'hasard ici, sauf chez les diables rouges. On fout le bazar, car on veut que l'état se bouge. Que je laisse enragé, que vous ne savez plus contrôler. Ne sois pas étonné, c'est qu'une cause à effet. Y'a pas d'hasard ici, sauf chez les diables rouges. On fout le bazar, car on veut que l'état se bouge. Que je laisse enragé, que vous ne savez plus contrôler. Ne sois pas étonné, c'est qu'une cause à effet. DJ Hopper, big up. J'aime quand ça fait bam. Advance avec nous dans les studios. J'aime quand ça fait bam. On va enchaîner par Tourcoing. Emma, elle est là avec nous ce soir. Yeah, yeah, yeah. Emma, prod magnétique, on est là. On représente et big up à Leslie Jack. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a que moi je n'ai pas? Qu'est-ce qu'elle a? J'ai vu en toi plus que tu ne sauras jamais m'en faire voir. J'ai vu en toi plus que tu ne sauras jamais m'en faire voir.

Et merci à toi, Fred Musa, d'avoir accepté de m'inviter aussi. Avec grand plaisir. Yes. Décidé, on part sur quoi là maintenant? Écoute, on va faire on va passer un classique et puis après on passe sur le freestyle. Parfait. Ok, ça te va? Allez, go. Ok, un classique. Écoute ça. Tu vois. Tu t'attends pas à celui-là. La guerre des concierges est en vogue. MC Solar classique et après live dans la nocturne avec Lessie Ja. Ouais. La guerre, les concierges étaient en vogue. Désormais on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville il n'y avait pas de parc maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le cost. L'allégorie des madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent ces films de 3 pièces 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète mais stylé la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double A. La variété statique solaire, l'arbalète. Qui pique cette digue solité à little elite. Qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masquer la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre que sa campagne de l'oreillette. Tout comme à mes oreilles, la variette, sa coquine rime avec obsolète. OGA, Wanjo, Da Fire, Production Incorruptible, Shed, Malek, NJ, Mike Booba, Emma. Obsolète est aussi l'allumeuse qui porte la résine en plus le patchouli. Pour des services rendus, elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre, elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec des lectations. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses. Lisse de la miss. Ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une Riyad. L'endormeuse allumeuse se prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Six Like Years, Greg Ouz, Vigo des Carpates. Dédicace à Léa de Boboche. Hate Love dans les bacs, lundi, 33 titres. L-E-S-L-Y. Alors, Lessie Ja, on attaque ou pas? Vas-y, on attaque, vas-y, tranquille. Session live dans la nocturne, 100% rap français. J'invite mes frères à se mettre auprès du micro. Ceux qui veulent kicker, il y a Shed dans la place. Qui est prêt à kicker? Malek. SQN. Et Love dans les bacs lundi, on précommande dès maintenant. C'est ça, casse plaisir, frérot. Ah, vas-y. On y va ou pas? On y va. Allez, beat. C'est parti. Allez, go, je te passe à paix, t'inquiète, frérot. Non, c'est pas ça. Big up à ma main Mani qui a pas pu venir ce soir, qu'on big up aussi. Jack S. C'était leur son, mais on passe au freestyle. Big up à vous, DJ Advance, t'inquiète, c'est du direct. Même moi, je suis cristalliné, on verra ce qu'on va donner. Ah bon? Ah bon, mon frère, t'inquiète, je viens après. je fais mon freestyle en arrêt. C'est parti. Big up, m'amène Daiwe à la prod. Faites du bruit pour lui. L'album sort lundi. Ok. Laissez déjà. J'suis pendu dans les dunes, t'es sauté par un plombier. Ton orifice est visité, le cimetière et ton quartier, chanson ratée. Tu fais de maille à personne, je m'insiste, soit-il premier de la portée en personne. Ok, le génie sort de la bouteille de cognac. J'fais une carrière sans chronomètre, catégorie Armstrong. Je viens sonner ton heure, appelle-moi Jack l'éventreur. Plus tard j'verrai la grandeur, t'es t'es aigri, j'ai des aigreurs, tu prends des revers, je prends des revers, la tisse s'envoie ravie, en m'écoutant tu t'acquiris, tu te finiras tout seul au silencieux, je suis presque heureux, j'ai le cœur sur la main, toi dans ta bouche, ma queue, t'es sans sous, ta mère est sans dessous, j'arrive en bogo, tu veux me rouler dessus, moi je marche sur l'eau, tu fais du hors-piste à Cassel, je te regarde dans la glace comme Vincent Cassel, bourré avec le diable, on a baptisé, je fais même tomber la pluie sur toi, le trône est fait pour être pris, je t'ai buté comme un plâtri, mes racines sortent du ciel, je traverse l'écu sans visage, je me fous de toi, je te niquerai le front avec deux doigts, je suis pendu dans les dunes, t'es sauté par un plombier, ton orifice est visité, le cimetière et ton quartier, chanson ratée, tu fais de maille à personne, je m'insiste, soit-il premier de la porte et en personne, je suis pendu dans les dunes, t'es sauté par un plombier, ton orifice est visité, le cimetière et ton quartier, chanson ratée, tu fais de maille à personne, je m'insiste, soit-il premier de la porte et en personne, chaîne. Les frères sont stressés, mon flow leur met la fessée. Pas de perte de temps, je joue dans les deux camps. Les gros sous me détendent quand je suis pressé. Souvent seul, tu cherches mon équipe d'enseigne. J'ai le sourire mais je saigne. Je suis sous l'effet de la tige du sein. Je veux la bénédiction. Dans sur mes sons, je te force à me kiffer, je te laisse pas de solution. Ils kiffent le style quand ils partent plus fard des MC sont hors game. Tu crois m'impressionner quand je pose ma voix, c'est le bordel. Tout le monde veut savoir qui défonce la musique, mais mes femmes sont hors d'elle. Hood up, DJ, hood up. Sur la scène, y'a toutes leurs culottes. Je fais danser les zoulous zoulettes. J'suis pas démodé comme le mot poulette. CHED, j'suis loin de me soumettre. Dans ma tête, c'est boum boum, c'est pas tout net. J'ai trop de face dans son son, j'peux pas tout mettre. A chaque feat, j'assassine net, c'est tout bête. Dès le début, je mets les choses au clair. Comprends que j'suis pas prêt à tout pour leur plaire. Toi, j'ai putain. Aïe, on reprend. Yeah. On reprend, mon frère. Ok, yeah. De la maille, un autre truc. De la maille, de la maille, de la maille. De la maille, de la maille, de la maille. De la maille, de la maille. Malek. De la weed, de la weed, de la weed, de la maille. De la weed, de la maille. J'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie devant WAM. J'ai la vie devant WAM, du sang sur le feutre. Ratatata, ratatata, je crache le feu. Le feu. Ratatata, ratatata, j'ai du mal à dire. Rouge comme Itachi, j'ai les yeux rouges comme Itachi. Comme Itachi, comme Itachi. J'mets pas de cochon dans mon tagine. Merde. Yeah, ok. Merde, vas-y, okay, pas grave. Okay. Ok, Shed et Malek, okay. Bientôt si le projet arrive. Yeah, yeah. De la maille, de la maille, de la maille, c'est ce qui fait tourner toutes les têtes. Faut qu'on place la barre haute, qu'on nous écoute dans tous les bleds. Mon flow plus l'argent sale comme la campagne de Sarkozy. Mes frères baignent dans les bracos, les bolides, les narcotiques, c'est one. Pour le style, c'est trop difficile pour toi, je vois les MC tirer. Shed, Shanks, Feng, ceux qui écoutent, kiffent quand on a tout déchiré. Ferrari, Louis Vuitton, un flow qui compte les bifons. Tout le monde veut la paire de fesses rien qu'en la regardant. Tous les frissons, tout des cassis, il y a du niveau, les refrains sont hal. Viens nous voir, briller. Les concurrents sont hal, hal, hal. Faites du bruit pour Shed et Malek, s'il vous plaît. SQN, les affranchis SQN. Sur YouTube. SQN, les affranchis, merci à Alessidja. Ok, ok. Big up à toi, frère. Ça arrive bientôt, Shed et Malek, SQN. Gros son, on continue avec la NG Freestyle sur une prod de Da Fire. Big up, mon frère. Elle est mal faite, elle est pleine de surprises. Un bon vieux bonbon amer que te ferait à Valérie. On mène tous une lutte comme Malcolm. Alterne shit et alcool. J'ai les yeux rouges comme symptômes. Perds la mémoire après 5 connes. Du bien là où ça fait mal comme Saint-Ol. Ma parole te fait du bien comme un symptôme. Dur de tourner la vache après 5 tomes. Je sais, je prends de l'âge, mais je vis ça comme enfant instable, sorti au forceps. J'ai pas la science infuse, mais j'ai la force d'être. Le futur me tend la perche, je me suis noyé dans le passé. Impossible d'oublier les bons, les mauvais moments. Nos soirées d'ivresse, parfois la folie me manque. Des rires aux éclats, parfois des mises à l'amende. De tout pour faire un monde, on s'est fondu dans la masse. Toujours prêt à fider, NG la plume à chanter. Rap sans thème la plupart du temps, et quand mon rap s'en mêle, je prends mon temps, rien à foutre même si je perds mon temps. Les doses resserrent, on fait du rap bien viscère. Pour les frères et les sœurs, interdits chez les commissaires. Bouc émissaire de la rue, viens endurer l'envers du décor, suivi d'accro démesuré. Noctambule à la boulevard, attitude décrit. Un univers semé de mauvaises attitudes. Laisse-moi faire, j'inspire sur des paroles qui consomment. J'irai planer sur la lune en deux voyelles et une consonne. L'effet est garanti et sponsorisé par la rue d'entrée. On vit les choses en tirant les conséquences. Ça avance, recule pour ne pas se se faire enculer, enculer. Sont ceux à l'heure qui les aimeraient nous voir couler. Malgré tout ça, c'est l'amertume qui nous rassemble ici. C'est le bitume en pack de 16 qui nous consomme. Salam alaikum, monte à l'arrière, cousse. Toujours en place, MIS à la rescousse. Quand sonne l'alerte, mec, on bouge tous. On se pousse tous, c'est comme moi pour couscous. On kick tout, nique tout, la toi tous. C'est que le piste tourne, on mise tout. MIS fait des ristournes. Mais dis dealer, qu'au fond on est des leaders. Des craveurs de bons sont du seum pour les dealers. Le doigt en l'air, on sait qui c'est les winners. En temps de galère, tu pleures, joue pas le killer. Crochet du gauche, bolos, tu coûtes le tapis. La justice veut ma peau, à droite c'est l'ex en ma vie. NG, cousin. Ok, dédicace, ouais. Dédicace tout le monde, on est là. Yes, la G2, tout GS. Hey yo, Emma, dites le plan. Hey yo, Emma, elle a. Et je reviens comme un cas inspige en arrière. Et je dédicace à ma mère, bon anniversaire. J'ai toujours été sûr, j'ai su la regarder bien en face. J'ai dû jouer la dure, j'ai su et pour bien être en face. Avec essuyer des échecs et les souliers échecs. Avec des victoires, c'est mon côté fennec. Côté femelle, éphémère et précieuse pucelle. Aussi sucrée soit-elle, moi je l'ai prise pour celle. Et je ne suis plus celle. Je prends chaque jour qu'elle m'offre pour une histoire d'un soir. À chaque tour, je m'étoffe, je m'étouffe, je m'en sors, je m'étonne encore. Cette fois, notre idylle, je la love, je la hurle. Ah ouh, bientôt mon premier EP, premier souffle. Ha, dédicace à Lydia. Big up à toi, Houya. Wahlania, reconnaissance à vie pour toi. J'ai la plume, la plaque qui dérange. J'en peux plus, j'ai les poings qui me démangent. Râle dans les chaussettes, 10 ans de regret à cause d'une ex. Je voudrais repartir du bon pied, mais je suis ambidextre. Envie d'être un peu ailleurs, le moral toujours à l'heure. Je voudrais partir du bon pied, mais le moral est toujours à l'heure. Je suis parti en. T'inquiète, on s'en fout, faites du bruit pour One Joe, faites du bruit pour Emma, l'NJ. Voilà, on est là tranquille. Big up à Reta aussi qui nous écoute. Big up à Malik, big up à tous les groupes de DK, les groupes de Maubeuge, les groupes de je sais pas, il y en a tellement grave. Big up au 5-9 en tout cas, Kaïps, Metz, tous les gens qui ont participé à mon album. Andrew, un gros big up à Andrew, à Renia, à plein de monde, à Production Incorruptible. Voilà, merci. Yes, vraiment, big up. Merci. Big up 6-7-6-8, big up Corinne, Sarah, Nico, Ato, toute la MIFA. Oni. Merci en tout cas à toi, les Sija. Vraiment, merci. Big up à Grande Sainte surtout. Merci mon ami Fred. Du casse grande sat. On rappelle que dès lundi dans les bacs. Ouais, ça va être un gros jour de stress. Uniquement en digital, hein. Uniquement en digital. 33 titres, il est disponible. En tout cas, vraiment merci pour ta passion, pour ton amour du rap. Merci frère. Merci de m'inviter. Merci de vous donner notre chance. Voilà, merci, on vient d'un petit bled. Merci de nous avoir accueillis. Peu importe. Yes, big up frère. Big up lourd. T'es un vrai mon pote, un vrai à vie, je t'aime. Big up à toi. Grave. Merci à toi les Sija, merci à vous tous pour cette nocturne 100% rap français. Passez une bonne nuit. Hate love la famille, hate love. Big up. Big up à tous les messages. Production incorruptible. Allez, big up. Faites du bruit s'il vous plaît. Wow. Big up à ma femme aussi, big up. Et avant de se quitter, j'avais promis un son de Six. Alias Siko MC. Yes. Mauvais garçon, c'est ce qu'on va écouter maintenant. Et puis après, on repartira avec le son. Fabuleux sera là pour mixer. Un petit Prince aussi, Prince. Obligé. Les Sija. Ça te parle ou pas? Carrément, forcément. Ça nous parle tous. Hein. Eh ouais, il est là. Hein. Il est plus là, mais pick off. Ouais. Peut-être qu'il est derrière nous, on sait pas. Peut-être. Merci en tout cas vraiment à toi et bonne chance à être love. Merci. Et tu sais qu'on a un truc en commun. Grave, à vie. Ça, c'est à vie, frère. Big up à toi. Merci à toi, mon pote. Merci, mon pote. Merci à vous tous. On les est déjà. Love. 100% explicite lyrics. La nocturne. Six, mauvais garçon, ça arrive. Six, bientôt dans la nocturne, 100% rap français. J'avais promis le son, on le passe avant 2h du mat. Poto, la vie c'est du sale. Plus rien ne m'étonne. En taille, j'ai vu ton beau-père. Avec un lady boy, plus d'exemple pour nos petits frères. Au volant ça picole, ça leur casse les couilles l'école. Ils pensent qu'à serrer des petites folles et ils veulent frimer sur les champs. Teaser, s'embrouiller, puis tirer sur les gens. Bah ouais, 2016 c'est méchant. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Machallah si tu t'en sors, quitte à défourailler les cons, défuir avant l'arrivée des renforts.

ramener. J'aurais pu me passer d'aller à l'école, de fumer de la drogue ou de boire de l'alcool. Mais comment me passer de rapper sur ma vie? Cette musique constitue encore un des rares trucs qui m'anime. J'ai pas confiance en l'argent, ça passe d'un compte d'une main, d'une poche à une autre. Et puis même s'entretuer une autre. Je fais pas confiance aux femmes, ça passe d'un homme à un autre. De l'arrière d'une case, d'un lit à un autre. Note que dans nos têtes c'est le vrai désordre. Pour preuve, je rappe des trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres. Si c'est Men's World, je m'en rends compte quand je suis au plus mal, bien taille, fucked up. Je suis pas doué pour le vol ni pour le deal, je rappe pour vivre. C'est toujours mieux d'avoir des flics qui me poursuivent. Je fais pas ça pour les femmes, ni avoir trop de fans, ni pour voir ces rimes classées profanes. Joueur à l'art de rue, si tu vivais ce qu'on voit, je suis prêt à parier que t'exprimerais les mêmes faits que moi. On n'est pas si loin du chaos, nous n'est à l'abri d'être plus bas. Pense au cas où tu seras amené à fumer ce qu'on fume, voir ce qu'on boit, vivre ce qu'on voit ou livrer ce qu'on bat. Dehors c'est la guerre, même si tu peux pas le croire. Y'a aussi de l'amour partout, même dans mon rap, même si tu veux pas le voir. DJ à nos rues, l'art qui s'en dégage, tout ce qui exprime la rage, tous nos apaches. Funky Family, l'histoire continue. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout dans l'art de rue. Jusqu'au bout dans l'art de rue. Jusqu'au bout dans la nocturne. 100% rap français. Fabuleux est là. Yep. Yovan est là. Le jeune Dipolito est là aussi. C'est fini pour la nocturne 100% rap français, grosse nocturne, les Sidja. Tu sais très bien. Ah, vlav, mon pote. Lundi, donc dans les bacs, toi par contre, lundi en fait, c'est ça qui est fou. T'as vu, je les ai tous déroutés. Lundi, ils sont tous vendredi, je suis lundi, écoute. Hate voilà. Love, allez cliquer. Merci à toi, merci, et tous les potos qui étaient là ce soir, franchement. Putain de soirée, merci. Un grand plaisir. 2h10, il est temps de tirer le store de la nocturne. Sinon tu vas te faire gronder. Ah ouais, attends, moi, j'ai une vie de famille. Merci à toi, vraiment, merci, sincèrement. Merci. Un grand plaisir, fabuleux. On reprend le contrôle. Ouais. Mais juste avant, attends, tu veux dire un mot sur Prince ou pas? Est-ce que t'as parlé ou pas Prince, toi? Carrément, forcément, ça fait partie de mes références. Après, j'ai 2-3 classiques. J'aime beaucoup, bizarrement, j'aime beaucoup ce qu'il faisait dernièrement, tu vois. Les derniers projets un peu, tu vois, j'ai eu du mal sur les sons des années 80. Même ah bon si certains j'aimais, mais fou, un peu d'autres. Ouais, je suis bizarre, excuse-moi. Ah, t'es bizarre, toi? Ouais, je suis un peu bizarre. J'ai bien aimé les derniers projets, mais pas tout. Enfin, mais bref, c'est un putain d'artiste, c'est un génie. Voilà, si t'as un Zico, c'est obligé d'aimer Prince. Et il sait tout jouer, il sait tout faire. Reste in Prince. Voilà, bien vu. Merci à vous tous, merci à toi. Les Sidja. Allez cliquer, hate love, fabuleux, on prend le contrôle. Dipolito, qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi, mec. Je voudrais faire une énorme dédicace, un énorme big up à Momo. Ah, Momo, la famille. On t'aime, on pense à Watt, force à toi. Et on t'attend, Momo. Franchement, très on t'attend. Très vite, très très vite. Viens vite, Momo. Voilà, une grosse dédicace, une grosse pensée à toi, le poteau, Momo. Yes. Merci à vous tous. Merci, frère. 2h11. Allez, on va se coucher.